La bande mystérieuse, par Maxime Audouin. Chapitre 1er, une singulière aventure. Cette étrange et dramatique histoire nous a été contée par l'un des plus subtils inspecteurs de la sûreté parisienne, que nous devons ici nous contenter d'appeler M. Javert. En effet, M. Javert ne nous a autorisé à reproduire son récit qu'à une condition formelle, on connaîtra plus loin les motifs de sa réserve, c'est que nous dénaturions, outre certaines particularités topographiques, les noms des personnages en cause, y compris celui du narrateur. Nous lui laissons la parole. Un soir, je conférai avec notre chef dans son cabinet, au sujet d'un vol accompli la veille chez un notaire, dans des conditions plutôt bizarres, j'aurai d'ailleurs à y revenir, lorsqu'un M. Gobin, architecte, rue de Châteaudun, fit passer sa carte sollicitant la faveur d'un entretien immédiat. Le chef s'empressa d'acquiescer à ce désir, mais me voyant par discrétion esquisser un mouvement de retraite, il m'invita à assister à l'entrevue. Je m'assis dans un coin de la pièce. Presque aussitôt, M. Gobin fut introduit. Il avait l'air fort ému, et l'on va juger de la légitimité de son émoi. « Monsieur, débuta-t-il après les salutations d'usage, il m'arrive quelque chose d'inouï, d'incroyable, d'invraisemblable, oui, ma foi, je dis bien d'invraisemblable. » C'est au point que je serai le premier à me demander si je n'ai point rêvé cette aventure de cauchemar. N'était la matérialité du dénouement qui m'en atteste trop clairement et trop cruellement l'indiscutable réalité. « Hein ?» fit le chef intéressé. « De quoi s'agit-il ? Vous pouvez parler. Je suis à vous, tout oreille. Voici, monsieur, mon histoire dans son éloquente simplicité. Ayant pris hier soir, mardi, comme d'habitude, à la gare Saint-Lazare, le train de 5h18 pour me rendre à Suresnes, que j'habite, car je n'ai rue de Châteaudun que mon cabinet, imaginez que ce matin je me suis réveillé adossé à un arbre, en pleine campagne, à quelques 80 kilomètres de Paris. « Tiens, tiens !» grommela le chef qui ajouta de façon à être entendu de moi seul. « Réédition, avec variante, du coup du laitier. » Je m'expliquerai en temps utile sur ce rapprochement. « Comme début, reprit l'architecte, cela vous paraîtra déjà sans doute assez coquet, mais attendez la suite. » Donc, je me réveille, étonné de me retrouver couché sur la dure et en ouvrant les yeux, d'apercevoir au-dessus de ma tête, au lieu des courtines de mon lit, les branches d'un pommier. Je me dresse sur mon séant. Je me sentais la tête lourde, le corps moulu, courbaturé, transi de froid. Avais-je donc passé la nuit à la belle étoile ? Je me lève, je me tâte, rien, du moins à ce qu'il me parut sur le moment, n'avait été touché sur moi. Intact, le contenu de mon porte-monnaie, de mon portefeuille également, savoir, ma carte d'abonnement de chemin de fer, des lettres, divers papiers. Qu'est-ce que cela pouvait bien signifier ? Comment me trouvais-je dans ce lieu inconnu ? Y étais-je venu de moi-même, par suite d'une absence de ma volonté, sous l'impulsion d'un accès de somnambulisme ? Hypothèse inadmissible. Avant de m'échouer sous ce pommier, rien que pour franchir les 30 ou 40 pas qui me séparaient d'une route voisine, il m'eût fallu patauger dans une base marneuse, détrempée par les pluies de la semaine dernière, qui eût laissé des maculatures sur mes chaussures et mon pantalon. Or, pantalon et chaussures étaient à peu près nets debout. Seul, le dos de mon pardessus témoignait d'un contact prolongé avec le sol. Qui donc m'avait transporté, puis déposé à cette place comme un paquet ? Pourquoi, quand et encore une fois, comment ? Toutes ces questions se pressaient, se débattaient dans ma pauvre tête douloureuse et, naturellement, demeuraient sans réponse. Car j'avais beau faire appel à mes souvenirs, depuis mon départ de la gare Saint-Lazare jusqu'à mon réveil en ce coin de champ, c'était, dans ma mémoire, un trou noir, la nuit, le néant. Enfin, il me fallut bien me décider à prendre un parti. D'abord, où étais-je ? Devant moi, autour de moi, s'étendait une plaine immense, sans bornes de tous les côtés, sauf à l'endroit où j'avais passé la nuit, et qui était situé à la lisière d'un boqueteau. Là, ce boqueteau, sorte de remise à gibier, barrait la plaine, de son fourré en ligne droite, depuis la route à ma gauche, toute proche, je l'ai déjà dit, jusqu'à 300 ou 400 mètres dans le sens opposé. Pas une habitation en vue. Je pouvais me croire dans un désert. Me voilà parti à la découverte. Je gagne la route, et au revers du bois qui me le masquait, m'apparaît un hameau. Je m'y rends, je frappe à une porte, j'interroge. J'apprends que le hameau a nom Marc en Mareuil, qu'il est situé à une lieue et demie de la ville de D, en Eure-et-Loir, et a eu lieu de la station de chemin de fer la moins éloignée. Le mystère s'épaississait de plus en plus. Renonçant pour le moment à le percer, je gagne D, je prends le train et je rentre chez moi. Là, une surprise m'attendait. À mon arrivée, Jean, mon domestique, me dit « Ah, monsieur, je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. J'avais descendu mon lit dans votre cabinet et pour plus de sûreté, j'ai couché avec votre revolver chargé à côté de moi. Vous pouvez être tranquille, j'ai fait bonne garde comme vous me le recommandiez dans votre dépêche. Quelle dépêche ? Demandai-je, surpris. Mais celle que vous m'avez envoyée hier soir, de Paris. Je t'ai envoyé une dépêche, hier soir, de Paris. Oui, monsieur, de Paris. Vous l'avez déposée à 6h30, à preuve que la voici. » Jean sortit de la poche de son tablier et me tendit la dépêche en question. Intrigué, c'était pour moi la première nouvelle, je lus. Jean Cavalier, 68 terres, rue Vorte, sur Aisne. Rentrerai demain matin, train 9h. Si baron de Vaufleury se présentait à mon retour, le priait de m'attendre dans mon cabinet. Couche à Paris, chez Bernard. M'y télégraphier contenu dépêche madame. Descendre ton lit dans bureau, faire bonne garde nuit. Il me serait tombé une cheminée sur la tête que je n'aurais pas été plus abasourdi. Cette dépêche, reçue par mon domestique, je ne l'avais pas envoyée. Et pourtant, après l'avoir relue attentivement, je fus frappé de ce fait que si elle n'émanait pas de moi, cela j'en étais trop sûr, elle pouvait fort bien m'être attribuée. De vrai, elle témoignait d'une connaissance si intime de mes affaires, de mes relations, de mes préoccupations actuelles, que tout autre que moi, mon domestique le premier, devait être pris à son cachet d'authenticité. En effet, premièrement, hier soir, en me rendant à mon train, j'avais rencontré mon ami Bernard, et comme il savait que ma femme était allée passer quelques jours dans sa famille, il avait beaucoup insisté pour me retenir à dîner et à coucher. Deuxièmement, pendant les absences de ma femme, c'est bête, pour de vieux époux comme nous, d'avouer ces choses-là, mais quoi ? Nous nous aimons ni plus ni moins qu'au premier temps de notre mariage. Il nous faut échanger, chaque soir, le petit bleu qui nous rassure mutuellement jusqu'au lendemain. Troisièmement, enfin, si je n'avais pas cédé aux instances de mon ami Bernard, cela tenait à ce que j'avais, exceptionnellement, chez moi, dans mon secrétaire, une somme assez importante, 80 000 francs, destinée à solder aujourd'hui des entrepreneurs du pays, et que j'estimais prudent de ne m'en remettre à nul autre qu'à moi-même du soin de veiller sur cet argent. Je n'ai pas de coffre-fort, tous mes fonds d'habitude étant déposés en banque. En supposant que je me fusse décidé à accepter l'hospitalité qui m'était offerte, je n'eusse pas manqué d'ajouter à l'adresse de mon domestique cette recommandation finale de faire bonne garde la nuit. Sur les 4 points visés par le document ci-dessus, un seul m'échappait, celui relatif au baron de Vaufleury et à notre rendez-vous. Je n'avais pu assigner de rendez-vous à ce monsieur, pour la bonne raison que je ne connaissais pas le baron de Vaufleury, ignorant jusqu'à son existence. Que signifiait bien ce nouvel imbroglio ? Mon ahurissement était tel, si visible, qu'il finit par se communiquer à Jean. Jean me demanda timidement. « Alors, la dépêche que j'ai reçue de monsieur, ce ne serait pas monsieur qui l'aurait envoyée ?»« Je puis te l'affirmer, mon garçon. »« Ça, c'est plus cocasse. Qui donc, alors ?»« Je te serais reconnaissant de me l'apprendre. » Et de m'apprendre aussi... À propos, m'interrompis-je, ce baron de Vaufleury, l'as-tu vu, toi ? Est-il venu ? Comment s'il est venu ? Avant de s'en aller, lassé de vous attendre, il est resté plus d'une demi-heure dans votre cabinet. Tu l'as introduit dans mon cabinet ? Bien sûr, puisque monsieur l'avait marqué sur sa... Et tu l'y as laissé seul, peut-être ? Dame ! Imbécile ! Viens, suis-moi ! Je me précipite dans mon cabinet, et du premier coup d'œil, qu'est-ce que j'aperçois ? Mes clés, mon trousseau de clés pendu à la serrure de mon secrétaire. Le sang ne me fait qu'un tour, mes clés ne me quittent jamais, et j'étais sûr de les avoir emportées hier soir de la rue de Châteaudun. Ce matin, en procédant à l'inventaire de mes poches, je ne m'étais pas rendu compte de leur disparition, mais encore une fois, je me souvenais fort bien de les avoir maniées hier en sortant de mes bureaux sur le palier. Comment avait-elle pu venir là toute seule ? Drôle ! Criai-je en colère à mon pauvre Jean. Tu introduis ici un inconnu, tu sais que j'ai une somme importante dans mon secrétaire et tu n'en retires même pas les clés. Hein ? Sursauta Jean. Vous dites les clés ? Regarde. Ah, ça par exemple, c'est raide. Raide, qu'est-ce qui est raide ? Ben, que les clés soient au secrétaire. Et pourquoi serait-ce que les clés soient au secrétaire ? Parce qu'elle n'y était pas ce matin. Ah ça, voyons, explique-toi, tu prétends ? Je ne le prétends pas, monsieur. Je l'affirme sur ce que j'ai de plus sacré. Ce matin, après avoir remonté ma literie dans ma chambre, j'ai fait à fond votre cabinet. J'ai essuyé tous les meubles, j'ai passé et repassé le chiffon sur celui-ci. J'aurais vu les clés, mais je ne les ai pas vues. Ça, monsieur, je vous le jure, j'en donne un à ma tête à couper. Je vais être pendu si je comprends goutte à ce micmac. Hélas, je n'y comprenais guère plus que Jean. Mais ce dont j'étais persuadé d'avance, et j'avais beau retarder le moment de le constater, c'était que mes 90 000 francs s'étaient envolés de mon secrétaire et que mon enlèvement, car il s'agit bien d'un enlèvement, n'avait pas eu d'autre but que de permettre à d'audacieux bandits de me les subtiliser à leur aise. L'argent avait disparu ? Demanda le chef de la police. Il n'en restait plus trace. Et voilà, monsieur, le motif qui m'amène près de vous. Que dois-je faire ? Conseillez-moi, guidez-moi. Il faut avouer, répondit le chef, que votre aventure n'est pas banale et que nous nous trouvons en présence de bien hardis coquins. Je dis coquins au pluriel, car il est certain que le coup n'a pu être exécuté par un seul. Il ajouta en mâchonnant. Oui, je parierais qu'il y a encore là-dessous notre bande mystérieuse. Puis se tournant vers moi. Ceci vous regarde, Javert. Il ne sera pas de trop de toute votre sagacité pour nous aider à déchiffrer cette énigme. Voyons. Essayons-y à nous trois. Vous, monsieur, veuillez reprendre votre déclaration point par point. Et d'abord, occupons-nous des personnages mis en cause dans votre dépêche, savoir, premièrement, l'expéditeur supposé, qui est évidemment le dénommé, ou soi-disant tel, baron de Beaufleury, ou un compère. Deuxièmement, le destinataire, votre domestique Jean Cavalier. Troisièmement, votre ami, M. Bernard. Vous ne connaissez pas le baron de Beaufleury, c'est entendu, pour l'instant du moins. Reste votre domestique et votre ami. L'architecte eut un haut-le-corps. Vous n'allez pas, j'imagine, les soupçonner d'avoir trempé dans... Eh, monsieur, nous sommes soupçonneux par profession. La méfiance, excusez le calembour, est la mère de la sûreté. Dans une enquête sérieuse, rien, même l'invraisemblable, je dirais volontiers, surtout l'invraisemblable, ne doit être négligé. Jean est le fils d'un de mes fermiers. Je l'ai à mon service depuis sa petite enfance. Il se ferait hacher en morceaux pour ma femme et pour moi. Quant à Bernard, il me suffira de vous dire que, rien qu'en bien fond, sa fortune est 3 ou 4 fois supérieure à la mienne. Ainsi, bon. Nous n'en prendrons pas moins nos renseignements sur ces messieurs. Mais revenons au baron de Beaufleury. Vous ne possédez aucun indice capable de nous mettre sur la trace de cet individu, qui semble si fort au courant de vos affaires et de votre intimité. Aucun. Depuis quand gardiez-vous en caisse à votre domicile de Suresnes les 90 000 francs qui vous ont été volés ? Depuis lundi soir. Je les avais pris à la banque peu avant de rentrer chez moi. De sorte que le coup n'a pu être combiné que de lundi soir à mardi soir, ce qui limite nos investigations à la durée de ces 24 heures. Il reste donc à reconstituer minutieusement l'emploi de votre temps et à passer en revue vos fréquentations pendant ce laps restreint. Je glisse sur le détail fastidieux de cette reconstitution jusqu'au moment où le récit de l'architecte commence à devenir intéressant.